Quand les loups sont là, adieu, tout est fini. Nadou, run, run, run, nadou, run, run. Ne pleurez pas, laissez tomber, tant pis. Nadou, run, run, run, nadou, run, run. Oui, le village est mort. Oui, bien sûr, j'ai eu tort. Oui, mais y jouerai encore. Nadou, run, run, run, nadou, run, run. Quand nadou dévorait, dévore pour de bon. Nadou, run, run, run, nadou, run, run. Ne pleurez pas, on n'y peut rien au fond. Nadou, run, run, run, nadou, run, run. Oui, elle m'a dévoré. Oui, je l'ai bien cherché. Oui, mais ce n'est qu'un jeu. Nadou, run, run, run, nadou, run, run. Quand les loups reviennent, on dit c'est pour toujours. Nadou, run, run, run, nadou, run, run. Peut-être bien que ce sera vrai un jour. Nadou, run, run, run, nadou, run, run. Oui, peut-être demain. Oui, on gagnera enfin. Oui, mais y jouerai sans fin. Nadou, run, run, run, nadou, run, run. Nadou, run, run, run, nadou, run, run. Nadou, run, run. Nadou, run, run. Thank you.